L'art de dire les fables, par André Lénéka et Emmanuel Matra. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Parfaitement. Je viens vous donner quelques conseils. Chacun a sa méthode ici-bas. Pourquoi n'aurais-je pas la mienne? D'autant plus que la mienne, c'est la meilleure. Vous allez en juger. Aujourd'hui, tout le monde dit des monologues. Vous-même qui m'écoutez, vous en dites. Hein? Mais si vous en dites, je le sais. Eh bien, parmi tant de petits chefs-d'œuvre modernes que je ne veux pas nommer, les plus charmants sont encore les plus anciens, nos fables. Pour bien dire ces premiers monologues de nos pères, il faut certaines qualités. Ces qualités, je ne vous les indiquerai pas, pour une raison toute simple. C'est que si vous les avez, mes conseils sont inutiles. Et si vous ne les possédez pas, personne, pas même moi, ne pourrait vous les donner. Mais le but que se propose ma méthode surprenante, c'est de vous indiquer les défauts qu'il faut éviter pour dire convenablement la fable. Premièrement, et avant tout, ne récitez pas comme les enfants qui imitent à s'y tromper la serinette. La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. La fourmi n'est pas prêteuse. Que faisiez-vous au temps chaud? Je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Cette récitation intéressante jusqu'à 6 ans devient monotone passé cet âge. Ceci n'est rien auprès de mon porteur d'eau qui, tout en remplissant la fontaine, le travaille furieusement. Il me l'a prouvé l'autre jour en choisissant un exemple, dans Florian. Mais le brave homme n'y regarde pas de si près. Pour lui, toutes les fables sont de la fontaine. La guenon, le singe et la noix. Une jeune guenon cueillie, une noix dans sa coque verte. Elle y porte la dent. Oh, bougli de boula! Qu'elle dit comme ça, pouah! Elle jeta la noix. Un singe arriva, la ramassa, la cassa, l'éplucha et la mangea. Foustra! Et il lui dit ceci. Oh, mais c'est esquis, mamie, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de soucis, on n'a pas de plaisir. Bougli da cookie. On croirait que l'on vous danse la bourrée dans les oreilles. C'est pittoresque! Mais ça manque de musette. Il faut bien se garder également d'apprendre les fables d'après les traductions qu'en ont fait les étrangers amateurs. Exemple, un Belge. Le loup et l'agneau. Un agneau prenait un verre de faro, 5-6, dans une taverne, non, dans un ruisseau, savez. Un loup qui n'avait rien mangé arrive. Qu'est-ce que c'est donc pour une fouée, que dit le loup. Tu viens troubler mon faro? Ne vous fâchez pas, sais-tu, monsieur, dit le mouton. Je suis au-dessous de toi, pour une fouée. « Godverdom, que dit le loup, ton frère m'a appelé espèce de voilon, sais-tu? Et ton berger et votre chien m'a refusé un verre de lambic, 3-4, pour une fouée, savez? Et je veux me venger. » Là-dessous, il apporte l'agneau, oui, il emporte, savez, pour faire un gigot de mouton. « Ce n'est pas mal, savez-vous, pour une fouée, mais que ce soit la dernière !» Autre exemple, un anglais. « Master le singe, qui faisait foire la lanterne magique. Un barnum faisait foire la lanterne magique. Il avait une jolie petite singe, amusant, beautiful, qui dansait le jig sur le corde tendu. À cause de cela, il l'appelait d'un nom tout à fait extraordinaire pour une singe. Il l'appelait Jacot. Yes, Jacot. Un jour que le barnum était allé boire du gin dans un public house, Jacot s'en va dans la ville rassembler toutes les bêtes. Il en trouve beaucoup. « venez voir, gentlemen !» criait la singe. « C'est gratis, pour rien, sans argent. Voici le soleil, la lune, les étoiles, le planète, la déluge. C'est joli, joli, très joli. Les spectateurs y voyaient rien du tout. C'était tout noir. Un bête, une, comment vous appelez? Pousse, pousse, pousse, miaou, miaou. Un chat, yes, un chat, disait, je vois rien du tout. » Moi non plus, disait un wa, un king Charles. Je distingue pas parfait, les well, disait un Glou, glou, glou. Un dinde, yes, un dinde truffé. Jacot y avait oublié d'allumer le J-Blockov de son lanterne. C'est very well beautiful. Je ne dis pas. Mais si la traduction est libre, vous êtes également libre de préférer l'original. Il faut éviter aussi l'accent du midi. Le marseillais a du bon, certes, mais outre qu'il vous ferait croire que La Fontaine, ce bon La Fontaine, est de Marseille, qu'il a beaucoup connu, il pourrait dénaturer un peu, pour l'honneur du midi, cette fable. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent de Marseille, et ces derniers ont bien raison. Vit en haut d'une treille, tout proche des martigues, des raisins superbes, des raisins d'humidité. Il eût bien voulu, le petit, en faire un bon repas. Mais comme il ne pouvait les atteindre, quoique Marseillais était, « Ils sont trop verts, dit-il, et bon pour les Parisiens. » Pour réciter convenablement, du reste, un accent quelconque est toujours fort regrettable. Évitez-les donc avec soin. Ne bégayez pas non plus, c'est de première nécessité. Car la plus courte paraîtrait aussi longue qu'un roman du petit journal. Ne point zézayer est également recommandé. Car si les cheveux ne zènent pas sur la tête, c'est excessivement zénant dans la bouche. Ne parlez pas du nez, on croirait que vous avez oublié votre bouchoir. Ne prononcez pas de la gorge, on vous prendrait pour un crieur de journaux. Faut voir les dernières nouvelles, le crime de la rue du Canard, 5 centimes! Enfin, avec une diction irréprochable, de la mémoire, un geste sobre, une voix d'or, et en évitant tous les défauts que je viens de vous signaler, vous pourrez sans crainte vous aventurer un soir à dire un monologue ou une fable devant votre armoire à glace. Fin de L'art de dire les fables, lu par Saner Myriam Savartès, le 10 décembre 2024.